point. I know I have a big accent. I know I'm not assez différent. But I want to point. And I have composed that song. I know the mathematics. America is a big market. If there is more money, there is more money in my pocket. I am the Judas of the French Canada. I want the point. Frog in the USA. Frog in the USA. I'm gonna be the number one. 2546011. L'autre jour, j'ai pris de la dégagueur. Ah non, vraiment, je n'étais pas très sabagueur. Et quand je prends cette fameuse dégagueur, je ne me reconnais plus. Fafar! Je te mélange toutes les choses. Le vin, le brun, le gris, la rose. Ne me demandez pas mon nom. Je ne m'en rappelle plus. Draga. Oui, oui, oui. Draga. Non, non, non. Draga. Pourquoi se draguer? Pourquoi se draguer? Draga. Oui, oui, oui. Draga. Pourquoi se draguer? Pourquoi se draguer? Ah, les années 60. Mais je ne pouvais pas me douter qu'un jour tu allais me donner le feu sauvage. Le feu sauvage de l'amour. Le feu sauvage. La maladie du baiser. Le feu sauvage de l'amour. Le feu sauvage. Le feu sauvage. Le feu sauvage. De l'amour, la maladie du baiser, feu sauvage de l'amour, feu sauvage. Oh oh oh oh oh oh oh c'est quand les gens font dodo. Moi je m'en vais cruiser à la disco. Je fais pas la queue à l'entrée. Il passe devant nous, lui, monsieur. Et grâce minable, je connais le portier. Hé, hey, où vas-tu, toi, là-là? Tiens, nouveau portier. Tous les soirs. Tous les soirs. Je sors dans les bras. Tous les soirs. Besoin de boire. Arrête de boire. assis.